بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، آمين. وبعد، donc nous continuons بإذن الله nos cours de tafsir et nous sommes arrivés à Sourate al-Layl. On avait expliqué la première partie de la Sourate et nous allons inshallah ta'ala terminer cette Sourate aujourd'hui بإذن الله. فقال الله سبحانه وقال الله سبحانه وتعالى إن علينا للهدى وما يغني عنه ماله إذا تردى. On n'a pas expliqué. Hein. طيب. On s'est arrêté avec la qissa de Ibn Hajar. ثم قال عز وجل وما يغني عنه ماله إذا تردى. يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا بخل به وتردى أي هلك. فأي شيء يغني المال لا يغني شيئا. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que son argent, ses biens ne peuvent rien lui apporter. Yani, il n'y a aucune chose qui pourra remplacer si il fait preuve d'avarisme avec, avec son argent. C'est-à-dire qu'il sera anéanti. Et donc, quelle chose pourra remplacer ses biens? Et قال قتادة وأبو صالح وفي جهنم. قتادة et أبو صالح parmi nos salaf ont mentionné que ceci est dans جهنم, dans l'enfer. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن علينا للهدى. فيه التزام من الله عز وجل أن يبين للخلق ما يهتدون به إليه. Ici Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce verset إن علينا للهدى, qu'il s'est rendu obligatoire subhanahu wa ta'ala de clarifier à la création ce par quoi ils seront guidés. والمراد بالهدى هنا هدى البيان والإرشاد. فإن الله تعالى التزم على نفسه بيان ذلك حتى لا يكون للناس على الله حجة. Et le sens d'ici de la guider, c'est la guider de clarification, de guidant, d'indication. Parce que comme on va le voir, la guider est de deux catégories. On va le voir après, le shir va le mentionner. Donc ici, c'est la guider d'éclaircissement, de clarification, d'indication. Car Allah subhanahu wa ta'ala s'est obligé à lui-même, et bien sûr personne ne peut obliger Allah azza wa jal, mais Allah s'oblige à lui-même de clarifier cette guidée afin que les gens n'ont pas d'excuses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En disant, yani, on ne savait pas, on n'a pas été éclairé, on n'a pas été guidé, on n'a pas été clarifié. وَهَذَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِ إِلَى أَنْ قَالْ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حجة بعد الرسل. Et ceci est clarifié et expliqué dans la sourate An-Nisa, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: et nous avons certes révélé sur toi, sur qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avions révélé à Nuh et aux prophètes après lui. Et ça, c'est une preuve de quoi? L'ulama utilise cette preuve pour dire que quoi? Que Nuh est le premier messager. Est le premier messager. Parmi les preuves, il y a cet verset. Il y a ce verset. Quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne. كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى النُّوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِ. Comme nous avons révélé à Nuh et aux prophètes après lui. Et d'autres preuves, bien sûr, pour mentionner que Nuh alayhi salam est le premier des messagers, comme par exemple hadith al-Shafa'a, le hadith concernant l'intercession. Lorsque Yawm al-Qiyamah, les gens iront voir Adam alayhi salam et lui diront: ya Adam, regarde dans quelle situation nous sommes, va voir ton Seigneur et intercède pour nous. Qu'est-ce qu'il dira Adam? Il dira: aujourd'hui mon Seigneur s'est mis en colère, d'une colère qu'il n'a jamais eue auparavant et qu'il n'aura plus jamais. J'ai assez à faire avec moi-même, j'ai désobéi à Allah, j'ai mangé de l'arbre défendu, j'ai assez à faire avec moi-même, allez voir Nuh. Et quand ils iront voir Nuh, ils diront quoi? Ya Nuh, anta awwal ar-rusul ursila fil ard. Il dit: oh Nuh, tu es le premier messager envoyé sur terre. Et d'autres parmi les preuves du Coran et de la Sunna, contrairement à ce qu'a mentionné Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, et que dans son livre, dans le livre qui a été publié et qui en fait qui est tiré de Al-Bidaya al-Nihaya, Al-Qisas al-Anbiya, où il mentionne que Idris est avant Nuh alayhi salam. Et comme l'a mentionné Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, ce qui est correct, c'est que Nuh alayhi salam est le premier messager avant Idris alayhi salam. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre Adam et Nuh, il y avait combien? 10 ans. Après, selon la traduction de Qurun, les savants ont divergé. Combien, un qarn, en arabe qarn, ça correspond à combien d'années? Certains ont dit 100 ans, donc c'est pour ça qu'on a traduit par siècle. Et certains autres savants ont dit que le qarn représente la génération, une génération. C'est pas forcément 100 ans, d'accord, un siècle. Donc voilà pourquoi, Allahu alam, ce que je pense être le plus juste, c'est que la meilleure traduction, c'est génération. 10 générations entre Adam et Nuh alayhi salam, comme l'a mentionné le prophète sallallahu alayhi salam dans un hadith authentique, rapporté, si je ne me trompe pas, par Ibn Hibban, mais à vérifier, Allahu alam. En tout cas, il est authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, et nous avons certes révélé à toi, comme nous avons révélé à Nuh et aux prophètes avant toi. Et Allah, il continue, ici, le shir n'a pas, il a résumé le shir, le verset, mais Allah continue. وَوَحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. Et aussi dans la suite du verset, et nous avons révélé à Ibrahim et à Ismaïl, à Ishaq et à Yaqub et aux tribus. Je vous rappelle que Ibrahim est le père de Ismaïl et Ishaq, et que Yaqub est le fils de Ishaq, et que Yaqub est appelé aussi Israël. Et également sur les tribus, et sur Isa et sur Ayoub et sur Younous et sur Haroun et sur Suleyman. Et nous avons certes donné à Daoud Az-Zabur, qui est le nom du livre de Daoud alayhi salam. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَنْ نُقَصِّصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Des messagers dont on t'a mentionné ou récité ou n'a mentionné leur histoire avant toi, et d'autres messagers qu'on n'a pas mentionné dans le Coran. Allah Azza wa Jalla a mentionné certains messagers, certains prophètes, Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces messagers-là, que ces prophètes. Il y a des messagers, des prophètes qu'Allah Azza wa Jal, par sa sagesse, par sa miséricorde, par sa, hein, par sa science, n'a pas mentionné. On ne les connaît pas. Hein? Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa de façon évidente. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Et ça, c'est une preuve qu'Allah Azza wa Jal parle. Et comme vous savez, concernant l'asma wa sifat, Allah Azza wa Jal parle selon ce qui sied à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Et on ne fait pas de ressemblance avec la créature. On ne change pas le sens du mot. Et on ne renie pas cela. Et on ne dit pas comment. Et ça, on a déjà parlé plusieurs fois. Revenez au athar de l'imam Malik sur Al-Istiwa. Jusqu'à qu'Allah Azza wa Jal, donc Allah Azza wa Jal dit après, Rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna linnas ala Allahi hujja. Ba'da rusul, yani des messagers mubashirin qui annoncent la bonne nouvelle pour les gens qui obéissent. Et qui avertissent contre la désobéissance, afin que les gens n'ont pas vis-à-vis d'Allah une excuse, comme quoi on n'a pas été prévenu. Allah nous a envoyé des messagers et des prophètes, ou du moins il a envoyé aux hommes des messagers et des prophètes. فَلَا يُمْكِنُ لِلْعَقْلِ الْبَشَرِ أَنْ يَسْتَقِلُّ بِمَعْرِفَةِ الْهُدَى ولذلك التزم الله عز وجل بأن يبين الهدى للإنسان. Donc il n'est pas possible, hein, pour la raison de l'être humain, ou que la raison de l'être humain soit exempt de la connaissance de la guidée. La connaissance de la guidée, elle a été donnée aux êtres humains. Allah l'a envoyée. Bien sûr, vous allez me dire, non, il y a des gens, ils n'ont pas reçu. Peut-être une infime partie des êtres humains, comme ceux qui habitent peut-être au fin fond de la forêt amazonienne, etc. Peut-être que ceux-là, ils n'ont pas, le message n'aurait pas parvenu. Et comme on expliquait récemment l'islam, ces gens-là, ils seront testés. Ils seront testés pour voir si un messager ou si le message leur était parvenu, est-ce qu'ils auraient obéi ou pas. Ils seront testés. Mais la très grande majorité des êtres humains ont reçu le message. D'accord ? Et donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est obligé à lui-même de clarifier la guidée à l'être humain. Inna alayna al-huda wa liyu'lam anna al-huda naw'an. Ici Allah Azza wa Jalla dit, c'est certes à nous de guider. Et comme vous le savez, il faut le savoir que la guidée est de deux catégories. Ça, c'est très important. Al-huda, la guidée, est de deux catégories. Huda al-tawfiq, fahada la yaqdiru alayhi illa Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la guidée de la réussite. C'est ce qui était guidé au tawhid, à la voie droite. Et cette guidée, elle appartient à qui? À Allah seul. Personne ne peut guider ce type de guidée-là, excepté Allah. Est-ce qu'un seul être humain peut faire en sorte qu'une personne soit obligatoirement guidé? C'est pas possible. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir après, n'a pas cette capacité. Sinon, s'il avait cette capacité, qui l'aurait guidé en premier? Abu Talib. Malgré ceci, il n'a pas été guidé. Donc cette guidée-là, Hudat Tawfiq, elle appartient que à Allah Azza wa Jalla. Il n'y a que lui qui la donne. Subhanahu wa ta'ala. Wa huda irshad wa dalala. فهذا يكون من الله ويكون من الخلق يعني من الرسول عليهم الصلاة والسلام ومن العلماء. Et la deuxième catégorie, c'est la guidée d'indication, comme on l'a dit tout à l'heure, هدى البيان والإرشاد, le fait d'indiquer, de clarifier, d'orienter, barakallahu fik. Et ceci, elle appartient à Allah et aux créatures, c'est-à-dire les messagers, les messagers t'ont envoyé et ils ont donné la guidée. Ils ont clarifié, ils ont orienté, ils ont guidé les gens à la voie droite, au tawhid. Et ils les ont ordonnés, ou ils les ont mis en garde, ou avertis contre le shirk et contre l'égarement. Donc ça, c'est une forme de guidée. Et ceci appartient aux messagers, alayhimussalatu wassalam, et aux savants de l'islam, qui clarifient, qui éclairent le chemin pour les gens. كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. Ça, c'est une preuve de quelle guidée? Hein? الإرشاد والبيان. نعم. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son messager صلى الله عليه وسلم, et certes, tu guides à la voie droite ou à une voie droite. Ici, c'est quelle guidée? C'est la guidée d'orientation, la guidée de clarification. C'est-à-dire qu'il montre la guidée, il indique la guidée, il oriente vers la guidée. Mais est-ce que la personne sera guidée? Pas forcément. Comme qui, comme on a dit tout à l'heure? Abu Talib. Et comme beaucoup de Quraysh qui n'ont pas accepté le message. Est-ce que le prophète leur a donné le message? Est-ce que le prophète les a orientés? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a montré la voie? Oui. Est-ce qu'ils ont accepté? Non. Mais la guidée leur est parvenue. Allah, le messager sallallahu alayhi wa sallam leur a donné cette guidée. Mais ils n'ont pas eu, ceux qui n'ont pas obéi et ceux qui sont morts dans le kufr, n'ont pas eu la guidée qu'on appelle Huda al-Tawfiq. Et c'est quoi la preuve de celle-ci, hein? C'est ce qu'on va mentionner maintenant. Ama hidayat al-Tawfiq fahiya ila Allah la ahad yastati an yuwaffiqa shakhsan إلى الخير كما قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله أكبر. Ce verset il est descendu à quel moment? À la mort d'Abu Talib. Et donc, quant à la guidée de réussite, c'est-à-dire le fait d'être guidé, d'être sur la voie droite, le chemin droit, sur le tawhid, celle-ci appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Personne d'autre ne peut faire en sorte qu'une personne soit sur cette guidée, forcément. Bien sûr, on dit, oui, cette personne a été guidée grâce à cette personne. Combien de sahaba ont été guidés, en premier lieu, par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi par qui? Par Abu Bakr al-Siddiq, pardon, par exemple. Parmi les hachas mubashirin bil jannah, plus de la moitié a été guidé par l'intermédiaire de qui? De Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Mais Abu Bakr leur a montré quelle hidayah? Il a tout l'irshad ou le bayan, la guidée de clarification, d'orientation. Et ils l'ont accepté. Mais c'est pas Abu Bakr qui a obligatoirement fait qu'ils acceptent cette guidée. C'est qui? C'est Allah Azza wa Jal. Vous comprenez la différence entre les deux guidées? Ça, c'est très important. Hein, c'est très important de comprendre, pour comprendre les versets du Coran. Et pour comprendre, lorsqu'Allah Azza wa Jal mentionne ces versets, comprendre le sens. Parce que quelqu'un pourrait dire, mais attends, il y a une contradiction. A'oudhu billah, le Coran ne se contredit pas, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair pour moi. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et certes, c'est toi qui guides vers le droit chemin, ou vers un chemin droit, en parlant du prophète. Et dans l'autre, il dit, et certes, tu ne guides pas qui tu aimes. Mais Allah, il guide qui il veut. On va dire, en apparence, c'est contradictoire, n'est-ce pas? Mais c'est contradictoire pour celui qui ignore que la guidée est de deux catégories. D'où l'importance de connaître ce sujet pour ne pas tomber dans ce genre de choubhat, d'ambiguïté. Donc Allah Azza wa Jal mentionne, hein, et certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah Azza wa Jal guide qui il veut. Et ça aussi, c'est important. Pourquoi? C'est important pour la da'wah. Quand tu fais la prédication, quand tu appelles à l'islam, au tawhid, à la sunna, sache que cette guidée n'est pas entre tes mains. La guidée ou hidayah, tu t'es offert, elle n'est pas entre tes mains. Toi, entre tes mains, tu as hidayah et tout, al-bayan, ou al-irshad. Tu clarifies, tu orientes, tu montres aux gens. Mais c'est Allah qui choisit s'il guide ou pas. Regarde des fois des personnes. Pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu vas les appeler au tawhid. Malgré ceci, ils ne vont jamais être guidés. Pourtant, t'as fait pendant 50 ans, tu l'appelais. Au tawhid, mais Allah n'a pas envie qu'il guide. Hein? Et ça, c'est à notre modeste niveau. Mais si on regarde autre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez avec Abu Talib. Ya am, qul la ila illallah. Oh mon oncle, dis la ila illallah. Il est en train de mourir. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib, il sait que c'est le prophète. Cependant, il n'a pas dit. Il n'a pas dit la ila illallah. Il est resté sur le shirk. Ou encore Nuh alayhi salam. Il a appelé au tawhid pendant 950 ans. Malgré ceci, la plupart de son peuple n'ont pas obéi, n'ont pas écouté. Parce que hidayat al-tawfiq, elle est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc toi, quand tu fais da'wah, quand tu appelles les gens au bien, quand tu appelles les gens au tawhid, à la sunna ou à l'islam, sache que tu es juste là pour donner le message. Mais si tu ne vas pas, hein, certains ils vont forcer, convertis-toi. Ils vont, hein? Non. Toi, tu présentes le message. Tu, bien sûr, hein, tombez pas dans l'erreur comme beaucoup de d'entre nous tombent. Ya akhi, ça c'est du shirk. Fais le tawhid. Non, ok, c'est moi comme. Hein, et puis au bout, ça y est, elle a fini. Ah non, bah, c'est pas moi qui guide, c'est Allah qui guide. Non, mais akhi, mais il faut faire les causes. Hein, c'est pas, tu dis une phrase pendant 30 secondes, après tu laisses la personne, hein, et khalas, tu dis j'ai fait mon travail. Non. Patiente avec elle. Surtout si c'est des proches. Surtout si c'est des proches, ta famille. Hein, tes voisins, tes amis, tes collègues, les enfants du quartier, les anciens du quartier, patiente avec eux. Donne-leur le message, montre-leur le tawhid, la sunna, le danger du shirk, de la bid'a, et patiente. Et bien sûr, tu t'en remets à Allah Azza wa Jal. Si Allah veut qu'il le guide, il le guidera. Si Allah veut pas, alhamdoulilah, t'as fait ce qui était obligatoire pour toi. Tu as transmis. Al-Muhim. وإذا نظرنا إلى هذه الآية الكريمة إن علينا للهدى وجدنا أن الله تعالى بين كل شيء. بين ما يلزم الناس في العقيدة وما يلزمهم في العبادة وما يلزمهم في الأخلاق وما يلزمهم في المعاملات وما يجب عليهم اجتنابه في هذا كله. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. الله أكبر. كما رواه أحمد. Et donc, si on regarde et médite sur ce verset, Inna alayna al-huda, hein, on s'aperçoit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout clarifié. Il nous a tout clarifié, subhanahu wa ta'ala. Il nous a clarifié tout ce qui nous incombe, tout ce qui incombe aux gens dans l'aqid, dans la croyance. Est-ce qu'Allah nous a laissé sans éclaircissement, sans clarification dans la croyance? Non. Il a tout clarifié. Où ça? Dans son livre et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a tout clarifié dans ce qui nous incombe concernant les adorations. Il nous a tout clarifié concernant ce qui nous incombe dans le comportement. Il nous a tout clarifié concernant ce qui nous incombe dans nos relations avec les gens. Et c'est pour ça. Et aussi, et tout ce qui nous est obligatoire de s'écarter. Tout ça, il nous a clarifié. Et c'est pour ça qu'Abu Dhar, radiallahu anhu, mentionne dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et il n'y a pas un oiseau qui bat ses ailes dans le ciel sans qu'il nous ait donné une science sur cela. Ça veut dire quoi? Ma'nahu bayyana kulla shay. Comme a dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire qu'il nous a tout clarifié. Également, et les hadiths à ce sujet sont nombreux. Le Cheikh va nous mentionner un autre hadith que vous connaissez tous, j'en suis sûr. Qala wa qala rajulun min al-mushrikin لسلمان الفارسي علمكم نبيكم حتى الخراء، قال أجل علمنا حتى الخراء، يعني حتى آداب قضاء الحاجة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. Lorsque cet homme parmi les mushrikin, dans certaines versions c'est mentionné un homme parmi les mushrikin, dans une autre version un homme parmi les yahoud, est venu voir Salman al-Farisi. وما أدراك من سلمان. Et qui est Salman al-Farisi, hein? Ce grand compagnon, Salman le Perse. Hein, comme on a déjà parlé de lui plusieurs fois, sa biographie nécessiterait une série de cours. Tellement elle est riche en bénéfices, en enseignement. Salman qui était Perse et qui adorait le feu. Puis qui a délaissé ce shirk jusqu'à arriver à Médine, et son périple est long. Hein, arrivé à Médine, on lui avait informé que là-bas un homme allait sortir, un prophète, et qu'il avait des signes de la prophétie. Parmi ces signes, qu'il n'accepte pas quoi ? Un zakat. Mais par contre, il accepte un zakat et une sadaqa. Mais par contre, il accepte elle hadiya, les cadeaux. Et entre ses deux épaules, il y a quoi ? Le sceau de la prophétie, la marque de la prophétie, hein ? Comme ils disent, de la grosseur d'une petite pomme. Alors lorsque Salman al-Farisi a entendu qu'un homme arrivait à Médine et se prétendait prophète, il travaillait dans les palmeraies. Il a quitté son poste et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des dates. Et il a dit, tiens, ça c'est une sadaqa pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Il a distribué à ses compagnons. Il n'a pas mangé. Alors Salman a dit, ça c'est le premier signe. Puis ensuite, il est revenu après, plus tard, et il lui a donné, il dit, ça c'est un cadeau pour toi, des dates. Et là, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam manger des dates. Il dit, c'est un deuxième signe. Il lui manquait un signe, hein, qu'un homme savant lui avait mentionné parmi les gens du livre. Parce que comme vous le savez, à la description de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été mentionné dans les livres précédents. Donc certains, parmi les gens de science, parmi les gens du livre, avaient connaissance de ces signes. Et ça nous rappelle aussi l'histoire de Abdullah ibn Salam, qui était juif lui, et qui connaissait la description, ou connaissait certaines questions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui seul pouvait répondre. Ça c'est une autre histoire. Et donc Salman, il cherchait le troisième signe qui était le sceau de la prophétie entre les épaules. Alors il essayait de regarder. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a compris cela. Et il a fait tomber son habit afin que le signe de la prophétie apparaisse. Et quand Salman l'avait dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et il s'est converti Salman et il est devenu un des grands compagnons, et les hadiths concernant Salman sont nombreux, et notamment qui était le frère de Salman parmi les Ansar. Vous n'avez pas le droit de ne pas savoir. Abu Darda radiallahu anhu. Et vous connaissez tous l'histoire entre Salman et Abu Darda, Salman a donné une leçon à Abu Darda en lui mentionnant que chaque chose a un droit sur lui. Al-Muhim, c'est une autre histoire aussi. Et donc Salman radiallahu anhu a été questionné par cet homme, par cet associateur. Il a dit, votre prophète, il vous a tout appris, même comment faire vos besoins. Alors Salman dit, na'am, bien sûr, il nous a tout appris, même concernant nos besoins, comment faire nos besoins. On ne doit pas se mettre en direction de la Qibla, on doit se laver avec la main gauche, on ne touche pas nos parties intimes avec la main droite. Et on doit se nettoyer avec trois pierres. Et il a mentionné, Salman al-Farisi, le comportement, ou plutôt les manières lorsqu'on fait ses besoins, akramakumullah. Et les hadiths hein, sont nombreux concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tous appris. ويؤيد هذا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا الله أكبر سبحان الله si seulement les musulmans méditaient sur ce verset plus longuement سبحان الله est-ce qu'il vient renforcer cela. Le fait que Allah n'a rien laissé, subhanahu wa ta'ala. Le fait que Allah nous a tout expliqué, nous a tout clarifié. Hein? Et là, remettez les choses dans le contexte. Inna alayna lal-huda. J'aimerais que quand vous lisez ce verset, parce que la plupart d'entre vous, mashallah, vous connaissez cette sourate, hein, vous vous rappelez de tout ce qu'on vient expliquer. Afin que votre concentration et votre foi augmentent. Inna alayna lal-huda. Allah nous a tout expliqué, Allah nous a tout montré. Et ce qu'il vient montrer, affirmer cela ou confirmer cela, c'est la parole d'Allah que beaucoup d'entre vous connaissent. Et aujourd'hui, j'ai parachevé, j'ai complété pour vous votre religion. C'est-à-dire que la religion est complète, elle est parfaite. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. Hein ? Contrairement à ce qu'aujourd'hui, hein, beaucoup de personnes, Wallahu al-Musta'an, hein, accomplissent. Ils rajoutent. Non, mais on veut que le bien. Ouais, on aime Rasoul. Tu n'aimes pas Rasoul. Si tu aimes Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, tu vas lui obéir. Tu vas lui obéir et tu vas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah te dit que la religion a été complétée, elle a été parachevée, il n'y a rien à rajouter. Et toi tu viens, 1400 ans après, tu dis non, nous on rajoute, alhamdoulilah, c'est bien. Hein, les meilleurs des êtres humains avant nous, ils n'ont pas fait, mais nous on est mieux qu'eux, on fait, hein, on rajoute. Alors qu'on est plein de péchés. Wallahu al-musta'an. Donc Allah Azza wa Jal nous mentionne ici, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Ça, c'était quand? Quand est-ce qu'il est descendu ce verset? Arsène. Hajjatul Wada'a. Lors du pèlerinage d'Adu, en quelle année? Oui, c'est ça. 10. L'année 10 de l'Égir. Au mois de? Astaghfirullah. Ah oui, Dhul-Hijjah, c'est le Hajj. Dhul-Hijjah, c'est le Hajj. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la 10e année de Dhul-Hijjah, le verset est descendu sur lui. Et le prophète est mort quand? Hein? L'an 11, c'est quel mois? Rabbil Awwal, le 12. On l'a dit il y a deux jours. Hein? Soi-disant, il fête le Maulid le 12, alors que c'est le jour de mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Combien d'entre eux le savent, ça? La plupart ne savent même pas cela. Ils suivent aveuglément et bêtement, subhanallah. Alors comme on a dit qu'il n'y a aucune preuve qui vient mentionner qu'il est né le 12. Mais par contre, il est, selon le consensus des savants, il est mort le 12. Tu prétends aimer le prophète, mais tu fêtes le jour de sa mort. Wallah al-musta'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi? Il a dit jeûnez les lundis, car c'est le jour où je suis né. Combien d'entre eux jeûnent le lundi? Bila alaykoum. Demandez à ceux qui fêtent le Maulid, combien d'entre eux ils jeûnent le lundi? Très peu. Taïeb, le prophète, tu aimes le prophète, tu dis oui, on veut l'honorer avec le jour de son anniversaire. Le prophète a dit de jeûner le lundi parce qu'il est né le lundi, c'est le jour où il est né. Jeûne le lundi, si tu aimes le prophète. Non, toi tu délaisses ce que le prophète s'en t'a recommandé. Et ce que le prophète n'a pas fait, ce qu'Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et les trois meilleures générations hein, jusqu'au 4e siècle, personne ne l'a fait hein, et les Shi'as sont venus, ils ont inventé cette fête et toi tu fais ça. Mais réfléchis, voilà. Subhanallah. Wallah, les enfants leur expliquent, wallah, ils comprennent. À la mosquée, notre frère Mohamed a expliqué aux enfants, ils ont compris. C'est parce que c'est clair. Les grands, subhanallah, qui sont censés être intelligents? Non, ils ne comprennent pas. Subhanallah. Allahu Akbar. Al-Muhim, Allah Azza wa Jal mentionne ici dans ce verset, et aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété pour vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Allah, ce verset, il est magnifique, subhanallah. Là, on s'arrête là, hein, c'est l'heure de l'adhan. Je pensais qu'on allait finir la sourate, subhanallah, on a fait un verset. Alhamdulillah. قدر الله ما شاء فعل فجزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.